Chapitre 2e. Stationary Hospital. Le port est encombré de bateaux de tous les gabarits et de tous les tonnages. Il y a de grands charbonniers, des yachts de plaisance, des barques de pêche, et jusqu'à de minuscules esquifs. Nous allons, mon guide et moi, par cette claire matinée de juin, le long des quais du vieux port où sont amarrés les chalutiers. Par une antique tradition, la pomme du grand mât est dorée et figure une croix, une madone ou une étoile. Plus loin, les bâtiments de l'escadre légère que l'on a récemment pourvus de canons revolvers, installés à l'avant, et qui font avec un succès grandissant la chasse aux sous-marins teutons. À cause de leur faible tirant d'eau, ces petits navires ne peuvent être torpillés. L'engin, qui, par définition, ne peut évoluer à la surface, passe au-dessous de leur quille à la grande fureur des pirates. Nous allons prendre, si vous le voulez bien, le petit vapeur The Queen, qui fait le service entre Folkestone et Boulogne et vice-versa. Ce matin, va partir, en même temps, un paquebot spécialement aménagé pour le transport des blessés, le St. Andrew. Nos blessés sont installés provisoirement ici, et dès qu'ils sont transportables, sont transférés à Folkestone. Il ne reste plus guère de troupes anglaises à Boulogne, mais des ambulances. Il y en a 7 ou 8 dans les beaux hôtels de la ville. En effet, mon guide me montre un des plus luxueux palaces de la plage, sur lequel flotte le drapeau blanc avec la croix rouge de Genève. « Vous voyez, me fait-il remarquer avec un geste quelque peu vaniteux, il n'y a rien de trop bien, ni de trop beau pour nos soldats. » En face de la plage, le Saint-Andrew est sous pression. « Ce sont des hôpitaux flottants analogues à celui-ci, observe mon guide, que les Allemands, en dépit de la Croix-Rouge et du pavillon blanc, ont essayé maintes fois de torpiller sur nos côtes. Rien ne les arrête. Ces forbans ne calculent même pas que parmi les blessés il y a des leurs. Ils détruisent pour le plaisir de détruire. Il tue pour le plaisir de tuer. Nous voici à bord de The Queen. Le temps est magnifique. À travers la brume dont le soleil déchire lentement les voiles, les silhouettes majestueuses des navires de guerre s'accusent plus nettement. Il y a là une vraie flotte où l'on retrouverait tous les spécimens de la construction navale, depuis le Supple Dreadnought à la masse imposante près de laquelle notre vapeur a l'air d'une coquille de noix, jusqu'aux destroyers et aux torpilleurs d'escadre. Le détroit du Pas-de-Calais est littéralement barré. Croyez-vous que les sous-marins Bosch osent s'aventurer par ici? Demandai-je à mon aimable compagnon de voyage qui, le sourire aux lèvres, les deux mains dans les poches, contemple d'un air satisfait les bateaux qui se balancent dans le British Channel. S'aventurer par ici? Allons donc. Je sais bien qu'ils prétendent que rien ne peut les arrêter, mais je suis persuadé que ce sont des vantards. Au début, les officiers prisonniers cherchaient à nous intimider, en nous parlant des terrifiantes inventions que préparaient les ingénieurs allemands pour exterminer les alliés. C'était bien lorsque nous n'avions pas encore assez de canons et de munitions pour répliquer, mais maintenant que voulez-vous qu'ils fassent sur terre? Les gaz asphyxiants et les jets de liquide enflammés n'empêchent pas les tanks de marcher, et ce ne sont pas les raids de Zeppelin qui nous enlèvent notre courage. Au contraire, ils le stimulent. Il est évident, repris-je, qu'une barque de pêche allemande ne passerait pas sans être capturée. À moins qu'elle ne sautât avant d'être prisonnière, sourit mon interlocuteur. Il y a 2 jours, cela est arrivé à une barque de Gravelines, qui s'est imprudemment engagée dans la zone dangereuse. Est-ce que la population de Folkestone a diminué ou augmenté depuis la guerre? Presque doublée. Comment cela? C'est que Folkestone est devenue une ville belge, aux 3/4. Nous avons bien Le Havre, ou plutôt Sainte-Adresse, capitale provisoire de la Belgique. De même, Folkestone a recueilli toute une population émigrée d'Anvers et d'Ostende. Au début, cela n'a pas été sans à-coups. Dans une seule journée, il est arrivé 30 000 Anversois à loger, nourrir, habiller, et pendant 8 jours, il en arriva autant tous les jours. Les habitants de Folkestone ont fait preuve envers les malheureux Belges de la plus haute générosité, du dévouement le plus attentif. Ils ont emmené les réfugiés chez eux et les ont réconfortés moralement et physiquement, aidant les femmes à marcher, prenant les petits-enfants dans leurs bras. Très rapidement, ils organisèrent des distributions de lait, de pain, de bière, de viande, dans certaines tavernes, à l'entrée d'églises catholiques ou de temples protestants. Dans les restaurants et dans les tavernes, dans les hôtels et les family houses, on a accueilli les Belges qui fuyaient devant les barbares, et aujourd'hui, vous ne pourriez vous douter des misères des premiers jours. De riches Belges ont loué des maisons entières pour loger leurs compatriotes, et depuis 2 ans, un journal franco-belge, édité en français, est vendu presque exclusivement par des femmes et des jeunes filles au profit de la colonie. L'Angleterre ne laissera aucun Belge sans soutien, soyez-en persuadés. Le collège d'Eton a décidé de recevoir les collégiens belges en prenant à ses frais le logement, la nourriture et les fournitures scolaires. Au moment où nous débarquons, se produit un navrant épisode que je ne puis me rappeler sans émotion. Une jeune femme, dont l'élégante toilette est souillée de boue et de goudron, dont les cheveux tombent en désordre sur les épaules, s'approche de nous en disant « Avez-vous vu Louise ? Où est Louise ?»« C'est une malheureuse folle, » m'explique mon guide. « Elle est pensionnaire d'une family house, ici près. » Comme elle est parfaitement inoffensive, on la laisse aller venir. Son histoire est navrante. Vous ne pourriez pas me la raconter? En deux mots, voici. C'est une réfugiée belge. Elle est venue dès le mois d'octobre 1914. Son mari était un des grands commerçants d'Anvers. Il a été tué, le magasin brûlé de fond en comble. Argent, marchandises, tout fut perdu en quelques heures. Il restait à cette pauvre femme un lien qui la rattachait à la vie, sa fille. Voilà donc la mère partie de chez elle, conduisant par la main son enfant âgé de 7 ans environ. Elles obtiennent de prendre place sur un vapeur où s'entassent plus de 2000 fuyards. Il faut avoir vu, comme je les ai vus, à ce moment, tous ces malheureux aux traits hâves, le masque figé dans une immuable expression de désespoir, les bras tendus vers la terre anglaise, en un geste de supplication, pour se rendre compte de tout ce qu'avait de pitoyable et de déchirant le spectacle que présentaient les exilés de la patrie belge. Or, la mère et la fille sont sur le vapeur et le vapeur va à Douvres. Mais Douvres est un port militaire et l'accès en est interdit aux navires de commerce. On refuse l'entrée du port. Les réfugiés sont obligés de passer la nuit en mer, par un froid glacial et sans manger. La mère succombe à la fatigue et s'endort. Quand elle se réveille, elle n'a plus sa petite fille Louise auprès d'elle. Depuis lors, la pauvre femme la cherche. Cette disparition de l'enfant a troublé sa raison, et chaque jour, lorsqu'un bateau entre dans le port, elle vient au-devant des voyageurs et leur demande s'ils n'ont pas vu sa Louise. « C'est une navrante histoire, en effet, dis-je, et qui malheureusement ne doit pas être unique. Et hélas ! Sur d'autres navires, plusieurs enfants ont été noyés. Des vieillards se sont jetés à l'eau, que sais-je ? Triste souvenir, sombre vision, ne parlons plus de cela. » Nous sommes arrivés. À peine débarqués, nous nous rendons au Stationary Hospital, l'hôpital d'évacuation. Celui-ci comprend plusieurs salles très aérées, très propres et meublées de lits de fer, tous uniformément peints en laquais blanc, ainsi que les tables de nuit et les chaises qui sont également en fer. Nous traversons un confortable fumoir avec bibliothèque où des blessés, peu grièvement atteints, sont installés dans des rocking chairs et savourent leur pipe en lisant le journal. Les offices sont abondamment pourvus de jambon, de conserves, d'eau minérale et même de champagne et de vieux Bordeaux. On ouvre devant mes yeux une caisse de mandarines et une autre qui soutient de beaux raisins noirs de conserve. Après l'office, nous passons aux cuisines. Je suis émerveillé. De vastes grill rooms avec leurs ustensiles de nickel servent à préparer les roast beef et les quartiers de viande saignante. Tout cela est d'une propreté minutieuse, et les marmites où bout le bouillon de bœuf destiné aux convalescents brillent de tout l'éclat de leur cuivre. Depuis un instant, une question me brûle les lèvres, et je saisis l'occasion qui se présente de la poser à mon obligeant cicérone. Vous traitez les blessés Bosch aussi bien que vos braves Tommies ? « Exactement de la même façon, » me répond-il gravement. « D'ailleurs, nous allons les voir et vous pourrez en juger par vous-même. » La salle où nous venons d'entrer est tout aussi luxueuse, tout aussi fleurie que les précédentes. Il y a là une dizaine de blessés anglais et une vingtaine d'allemands. Ces derniers sont d'âge disparate, depuis l'adolescent malingre auquel on donnerait 16 ans à peine, jusqu'au cinquantenaire chauve et ventripotent au nez chaussé de Bésigle, sans omettre quelques robustes gaillards, débardeurs, mineurs ou brasseurs avant la guerre. Tous ont l'air paisibles, souriant même, et sont heureux de notre visite. L'officier anglais leur distribue de la menue monnaie et des cigarettes. Alors, sur la figure de ces hommes où se lit la joie, se lit en même temps un air d'humilité et de compassion dont je suis surpris. Quelques-uns, avec un naïf égoïsme, se félicitent d'être prisonniers. Ils sont ravis du confort qui les environne, et se laissent dorloter par les nurses auxquelles ils obéissent avec une docilité exemplaire. Mais l'Allemagne, l'empereur, demandai-je à l'un d'eux. « Oh, ils sauront bien se débrouiller sans moi. J'aime mieux être ici qu'à me battre, maintenant surtout. Si vous croyez que c'est intéressant de passer les journées, les nuits, les jambes dans l'eau et le ventre vide, que ferez-vous après la guerre ? » demandai-je à un autre, un mineur de Hearts. « Je retournerai chez moi, à moins qu'il n'y ait du travail ici en Angleterre. » « Comment ? Vous croyez que vous trouverez vous occuper en Angleterre ? » « Oh oui, monsieur. Et si les Anglais gagnent la partie, ils payeront bien. » Cette réflexion suffit à dépeindre la mentalité des sujets de Guillaume. La plupart, cependant, sont tellement hypnotisés par le nom de leur Kaiser, ils ont tellement une absolue confiance en lui, que malgré toutes les preuves qu'on leur met sous les yeux de l'épuisement de l'Allemagne, ils ne peuvent s'empêcher de déclarer « Si notre Kaiser a commencé la guerre, c'est qu'il était sûr de la victoire. » Un vieil homme, à cheveux gris, au teint plombé, attire mon attention par sa mine piteuse. La nurse m'apprend qu'il ne fait que pleurer. « J'ai deux fils tués, » me dit-il d'une voix sourde. « Ma femme et les deux autres meurent de faim à Hambourg. Pourquoi cette horrible guerre ?»« Votre Kaiser doit le savoir puisqu'il l'a déchaîné, » lui répondis-je. « Non, » répliqua-t-il immédiatement. « Non, ce n'est pas la faute de notre Kaiser. » Et il se confine dans un mutisme absolu. Je suis décidément mal tombé. Ces pauvres diables répètent à quelques variantes près les mêmes sottises comme une leçon apprise par cœur. J'espère être plus heureux en passant dans la salle des officiers. Là, tout d'abord, je me heurte à un parti pris de silence. Les premiers auxquels je m'adresse ne me répondent que par des monosyllabes dédaigneux. Ils me dévisagent d'un air hautain ou même me tournent le dos sans cérémonie. Je finis par en trouver un qu'à sa mine éveillée, presque souriante, je juge plus accessible, moins bauche que les autres. Je m'approche de son lit. Tout de suite, à la politesse avec laquelle il répond, en bon français, aux questions que je lui adresse sur ses blessures, je reconnais que j'ai affaire à un homme intelligent et bien élevé. C'est un Berlinois. Avant d'être lieutenant de la Landwehr, il voyageait pour la librairie. Je cite au hasard le nom d'un éditeur allemand, autrefois installé à Paris et qu'il a connu à Leipzig. On bavarde et peu à peu, mon Allemand sort de sa réserve. « Évidemment, déclare-t-il, nous ne serons pas victorieux. Nous avons trop d'ennemis sur les bras. S'en rend-on compte en Allemagne? Tous les dirigeants savent que la lutte ne se terminera pas en notre faveur, et ils prennent déjà leurs dispositions en conséquence. Mais notre pays ne sortira pas de la guerre, si amoindri que le croient ses ennemis. Au bout d'un temps très court, il se relèvera tout aussi fort qu'auparavant, sinon plus. Je ne vois pas trop comment. Admettez, reprit mon interlocuteur, que l'Empire soit dépouillé de la Pologne, de l'Alsace et même du Schleswig. Croyez-vous que nous n'aurons pas une superbe compensation? Comment cela? En nous annexant l'Autriche allemande. Le chiffre de notre population et notre territoire n'auront pas diminué, au contraire, et nous aurons une Allemagne homogène. Cette guerre aura peut-être été un bien pour nous. Croyez-vous qu'on vous laissera faire? Dis-je un peu effaré. Puis, est-ce loyal de spolier ainsi des alliés? On ne peut guère nous en empêcher, fit-il avec un sourire ironique. Les Français et les Anglais n'ont-ils pas déclaré que la nouvelle carte d'Europe serait remaniée selon la loi des nationalités? Il est légitime que les hommes de sang et de langue germanique se groupent en un seul peuple. L'Autriche est finie. C'est un cadavre qui tombe en lambeaux. Autant que ce soit nous, ses amis, sic, qui profitions de ses dépouilles. C'est très flatteur pour les Autrichiens, ce que vous dites là. Les Autrichiens n'auront que ce qu'ils méritent. Ce sont eux qui sont la cause de notre défaite, ajoute-t-il avec colère. Ils ont engagé la partie et n'ont pas su nous aider à la gagner. S'ils avaient voulu faire quelques concessions, les Italiens ne se seraient pas tournés contre nous. Ils auraient pu faire une diversion utile du côté des Alpes et de la Tunisie. Puis ils ont une flotte. Cela aurait peut-être changé la face des choses. Mais voilà, l'Autriche n'a rien vu ou n'a rien voulu voir. Et l'indemnité de guerre, dis-je après un silence, nous ne la payerons pas, nous ne payerons rien. Sachez bien, monsieur le Franzose, que si l'Allemagne s'avoue vaincue, c'est qu'il ne nous restera ni un homme valide, ni un pfennig, ni une bouchée de pain. Croyez-vous que l'Allemagne fasse la guerre à la Hollande? Il y a longtemps que nous aurions dû mettre la main sur ce pays. Ce serait un gage de plus entre nos mains lorsqu'on discutera les conditions de la paix. Et que les neutres prennent garde, tous, l'Allemagne saura se venger d'eux tôt ou tard. Mon interlocuteur est devenu tout à coup silencieux. Peut-être craint-il d'avoir trop parlé. Il me prie de ne pas citer son nom, si je viens publier cette conversation, et je le lui promets. Alors, tout à fait rassuré, redevenu aimable, il cause de choses et d'autres et me demande de lui faire cadeau des journaux anglais que je tiens à la main, ce à quoi je consens très volontiers. Au moment de prendre congé, je ne puis m'empêcher de demander à mon Allemand s'il approuve les atrocités commises par ses compatriotes. Il rougit fortement et finit par murmurer « C'est abominable. Je réprouve ces horreurs de toute mon âme. C'est une honte pour notre culture. » Mais aussitôt il reprend d'une voix autre. « C'est vraiment maladroit de la part de notre gouvernement d'avoir permis ou ordonné de tels crimes. C'est la faute des Junkers imbus des idées de Bismarck, sur la nécessité de terrifier l'ennemi. Si c'était à refaire, nous serions plus habiles, croyez-le bien. Cette fois, j'en ai assez. Je salue et sors, mais en m'en allant, j'emporte la conviction que les théories lourdement machiavéliques qu'on vient de m'exposer sont partagées par la majorité, si ce n'est la totalité des Allemands instruits. Après une journée passée à Folkestone, je rentre à Boulogne, où les papiers qui m'accréditent près des autorités britanniques sont prêts. Je pars dès le lendemain pour Arras, dans une auto militaire conduite par un brigadier d'artillerie. D'Arras, je me rendrai au quartier général anglais, du côté de Lens.